Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 43. Des miracles du Christ considérés en général. Pourquoi il convenait que notre Seigneur fît des miracles? Ceux qu'il a opérés émanaient de sa puissance divine, du temps où il a dû en commencer le cours. Comment il démontre sa divinité? 1. Le Christ devait-il faire des miracles? On reçoit de Dieu le pouvoir des miracles, premièrement et avant tout, pour confirmer une vérité de l'ordre surnaturel qui ne saurait être démontrée par la raison, secondement, pour montrer que la divinité habite dans quelqu'un par la grâce de l'Esprit Saint. À ce double point de vue, notre Seigneur devait faire des miracles, car il fallait que l'on vît clairement, non seulement que sa doctrine était divine, mais que Dieu habitait en lui par la grâce de l'union hypostatique. Aussi disait-il lui-même, « Si vous ne voulez pas croire à ma parole, croyez à mes œuvres. » Jean 10, 38. Les œuvres que mon Père m'a données de faire rend témoignage de moi. Jean 5, 36. 2. Le Christ a-t-il fait ses miracles par sa puissance divine? Il disait, « Le Père, qui demeure avec moi, fait lui-même ses œuvres. » Jean 14, 10. La première partie de cet ouvrage, question 100, article 9, nous a montré que les vrais miracles sont le propre exclusif de la puissance divine, puisque Dieu seul peut changer l'ordre de la nature, changement qui est de leur essence même. Ceux du Christ étaient véritables, donc il les opérait par sa vertu divine. C'était dans ces principes que le pape Saint Léon écrivait à Flavien, « Il y a deux natures dans le Christ, l'une divine, qui brille par les miracles, l'autre humaine, qui succombe sous les outrages. Néanmoins, chacune des deux natures agissait avec la participation de l'autre, la nature humaine était l'instrument de l'action divine, et l'action humaine recevait sa vertu de la nature divine. 3. Est-ce aux noces de Cana que le Christ commença ses miracles? Tel fut le commencement des miracles de Jésus, à Cana en Galilée. Jean 2, 11. Par là même que notre Seigneur avait pour but, dans les miracles qu'il opérait, de confirmer sa doctrine et de montrer que la puissance divine résidait en lui, il n'en devait faire ni avant d'avoir commencé ses prédications, ni avant que la vérité de son humanité fût bien évidente. C'est avec raison, disait saint Jean Chrysostome, que le Christ ne commença pas dès son enfance à faire des miracles. Les Juifs, pensant que son incarnation était fausse, l'auraient crucifié avant le temps. 4. Le Christ a-t-il suffisamment prouvé sa divinité par ses miracles? Les œuvres que mon Père m'a données de faire rendent elles-mêmes témoignage de moi. Jean 5, 36. Les miracles du Christ démontraient avec évidence sa divinité. D'abord, il dépassait la puissance de toute créature. Jamais, disait l'aveugle-né, on n'a ouï dire qu'un homme ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance, si celui-ci n'était pas Dieu, il n'eût pu rien faire de semblable. Jean 9, 32. En second lieu, le Christ les opérait par sa propre puissance, et non en priant, comme les autres hommes. Une vertu, dit l'Évangile, sortait de lui et guérissait tous les malades. Luc 6, 19. On voyait par là qu'il avait un pouvoir propre et non emprunté, aussi ses prodiges étaient-ils sans nombre. Il possédait évidemment une puissance égale à celle de son Père. Il le disait lui-même, « Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Jean 5, 19. Troisièmement, sa divinité ressortait de sa doctrine même. Il se disait Dieu. Or, si sa parole n'avait pas été vraie, il n'aurait pas eu le pouvoir de la confirmer par des miracles qui portaient le sceau de la puissance divine. Note. Mais, direz-vous, Moïse et les prophètes ont fait des miracles semblables aux siens, et il a déclaré lui-même que ceux qui croiront en lui en produiront de plus grands encore. Moïse et les prophètes l'avaient annoncé et lui avaient rendu gloire, il était juste qu'à son tour il fit les mêmes œuvres, pour confirmer la foi aux prodiges qu'il avait opérés par leur ministère. Il convenait ensuite qu'il en accomplit d'autres, que lui seul pouvait réaliser, par exemple, sa naissance d'une vierge, sa résurrection, son ascension. Si l'on s'imagine que de tels miracles sont peu de choses pour un Dieu, que pourra-t-on demander de plus? Fallait-il qu'il crée un autre monde, pour montrer qu'il est le créateur de celui-ci? Mais un monde supérieur ou égal ne pourrait être contenu dans celui qui est devant nos yeux, et s'il eût fait un monde inférieur, on n'aurait pas manqué de dire que c'était peu de choses pour un Dieu. Observons, en outre, qu'il a opéré d'une manière plus éminente ce que Moïse et les prophètes avaient fait. Voit-on qu'ils aient guéri avec une puissance égale à la sienne autant de vices, autant de maladies, autant d'infirmités de toutes sortes? Saint Marc nous dit que, partout où il allait, on plaçait sur son passage des malades qui demandaient à toucher le bord de son vêtement, et que tous étaient guéris. Ses disciples feront de plus grands miracles. Oui, ce sera lorsqu'il leur donnera le pouvoir de parler à des auditeurs beaucoup plus nombreux et de convertir les nations. markendanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.